Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres, nous avons offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots, en actes et en action, depuis le début de la création jusqu'à ce jour, nous implorons votre pardon. Que ce pardon puisse nettoyer, purifier et libérer tous les blocages, les mémoires, les énergies, les vibrations négatives. Et que toutes ces énergies indésirables soient transmuées en pure lumière. Et qu'il en soit ainsi.